Gata gomme, Mister Youjoul. Vas-y, sors du taga, fais kiffer, roule. À Paname, ça se mâche, nous que devant Dieu. À Paname, des fois, ça défouraille pour un Dieu. Aïe aïe aïe. Big up tous les frères et gros, c'est un haraï, non. Cherche pas la merde, tu vas la trouver. Un gaza, c'est du mal, ça pète les plans, ça désespère. Ça passe des années en tirant, mettez le bossard, fumez des stères. Un gaza, truc de ouf, ça fait la guerre avec des pierres. De l'autre côté, ça rose ça, avec des missiles et avec des pierres. Quelle justice de merde, quel système de fils de putain. Des problèmes immenses, j'ai l'impression de vivre dans un monde de lutin. Depuis tout petit, j'ai que des mauvaises fréquentations. Traîne qu'avec des mandats, des volets, c'est pas ces mauvais garçons. Là où nous sud, hâte à pépère, nous disons nous pétavons d'avant. Les rap dans plein dans les airs, les cris sur des billets d'avion. Normal que ça saigne. Là, je suis avec Joule, on est sous Jack, l'argent de l'assassin. On parle de 30 sur un zodiac. A Marseille, c'est comme but sa blague. Ça roule sans permis sur le nom d'un pote. A Marseille, c'est insulte la bague. A goulé dans le bloc avec un goc. J't'aime pas, tu me jalouses. Tu me fais passer pour quelqu'un d'autre. J'te baisse, tu me critiques. Tu veux essayer de fracturer ma porte. Ça tire, ça lève des vies. J'ai leur yo, faut que tout ça cesse. Pour mes potes en cellule qui me disent, je te rappelle là, y'a la SS. Ce qu'on vit, c'est pas facile. Ce qu'on vit, c'est pas des scènes. Ça dit, viens, on se prend le seul à seul. C'était costaud, y'a l'arme sous la selle. Ça saillit, ça se rend dedans. Pour une folle, ça se met dedans. J'mise votre casse, c'était 32 ans. Pour une poursuite en deux temps. Ça parle en ballon plus en détail. Ça déclare pas quand ça de la fumette. Parachute pour assumer. J'vois le mirador avec son fusil à lunettes. Tu me fais le cambrioleur, tu mets 4 ans pour ouvrir une fenêtre. Ça fait un an que je suis dans le game. 12 ans que je le pénètre. À Marseille, c'est les bons mecs. L'une le pont et sa lance. Pour Mortadon, Farfa et Tico demande leur, on n'a pas le bras long. Avec à toi, j'ai pris un bon pactonique. Bien leur grand-mère, ce qu'on va piger. Combien on brasse et détonne aujourd'hui. Ce serait pour moi que DJ. J'en ai pris des risques dans le métier. Je vais tous les baiser, j't'ai DJ. Les kefs qui feraient me faire tourner sentier. Pile le prox prend pour un DJ. Nick Zoukrel, toi, ce mot du Kahba. De la part de tous mes frères au Kaplan. Qui font leur peine au lait, toi tranquillement. Pépèrement sur une Peugeot, Tarka ou l'herba. J'en ai sorti plein de la Lerga. Puis une fois qu'ils étaient bien, j'étais plus trop leur gars. J'ai trop de potes, c'est devenu des putes. Mais Hamdoulay, c'est pas tous leur cas. J'vis, j'ai vu, j'ai donné. Non, j'ai jamais mis ton, on m'a trahi. J'ai pardonné, moi j'avais rien, j'ai donné. Roule en lock, t'as pas et tu te la pètes. Et ferme ta gueule, reste cool, j'veux pas que ça pète. J'passe mon temps à rien faire au check avec les gousses. J'dis pourquoi ils sont jaloux, ils m'ont dit c'est rien, tu le baisses les douze. Certains potos ont changé, ils me font tous plein de manies. J'leur ai rien fait, ils me regardent comme quand on y a tué Mani. Disque d'or, j't'ai fait la pelle et la pioche. Y'a que des loups, pas tomber le disque de la poche. J'dors le jour, j'vis la note, et corazon dur comme la roche. Poto c'est hoche, que ça m'esquive à droite à gauche. L'état nous fauche, nous vache, le policier cherche l'outrage. T'as rien fait, si tu vois que ton pote crache tout gâche. Crache tout gâche. Frère, on a trop les crocs, y'a des diamants sur nos chicots. Demande à Bibi, maman, montre à Simo, à Chico. M'a pété les cristals et dompé les veuves, clico. On a éplongé avec les perriers, les sampés, les tropicaux. Ne cherche pas à faire la course, tu vas te prendre un KO. Demande à l'ours, trop de salopes de Schmitt te pètent quand tu vises le but. C'est parce que la justice c'est une chaîne qu'elle nous voit comme des fils de pute. Moi, y'a que le Seigneur qui me fascine. Tout ce que j'espère, c'est qu'il me guide avant que la mort me fascine. On mérite l'asile. Va ramener la coupe du Brésil. Laissez-moi, je suis ailleurs. Je fais des tours, des pas solo. Faut voir qui est là quand t'es bien. Qui est là quand t'es solo. Tu m'as trahi tant de fois. J'ai toujours dit c'est rien. On m'a dit ils se font rares les vrais. Mais ça, je le sais bien.